Là, des buveurs attablés chantaient bruyamment. « Les enfants, dit le joyeux voiturier, il faut se rafraîchir un peu. Ici, le vin est bon, une bouteille de vin ne fait jamais de mal. Oh, »« Merci, monsieur, dit André tout interdit, car il s'aperçut que le conducteur, en sautant par terre, avait chancelé comme un homme qui a bu déjà, et il commençait à soupçonner que les belles couleurs du jovial cocher tenaient sans doute à la boisson. « Mon Dieu, dit-il tout bas à Julien, nous avons agi comme des étourdis et des imprudents en nous adressant au premier venu et en lui donnant notre argent. » Je crains bien que nous l'ayons à nous en repentir. Cet homme a l'air pris de vin. Le petit Julien, confus, garda le silence. J'avoue que quand je l'ai relu, j'ai été un peu surpris. Je me suis dit, mais est-ce que si je le relis complètement, je vais avoir le même sentiment pour ce livre que je l'ai eu avant, étant donné certaines idées qu'il exprime. Par exemple, l'histoire des races. Il y a une illustration qui dit que la race blanche est la plus pure. Ça, c'est quand même dur à avaler, parce que quand on connaît bien les autres races, on s'aperçoit qu'il y a tout de même les caractéristiques chez les autres qui sont d'une grande beauté. Quand on voit un bel indien ou une belle noire, et dans la race jaune, c'est extraordinaire, la classe de ces gens, les caractéristiques de ces gens, leur peau, leurs mains, on peut pas dire après ça que la race blanche est la plus pure, parce que quand on voit ce que donnent certains croisements de bons campagnards français traditionnels, ou de bons citadins d'ailleurs, on se dit, nom d'un chien, comment ils s'y sont pris pour faire un enfant pareil, hein? Alors moi, personnellement, cette illustration, je l'enlèverais de ce livre, je la déchirerais, parce que elle gêne mon livre et elle gêne tout le sentiment affectueux que j'avais pour ce livre. Ça m'a embêté de trouver ça là-dedans, parce que j'aurais voulu que tout soit parfait et conserve justement cette espèce d'image pure et utile. Enfin voilà, c'est tout. C'est à peu près la seule chose que j'ai reprochée. Et puis alors aussi, il y a certaines maximes qui font sourire, parce que peut-être le temps a-t-il changé, mais quand même, je prends au hasard là. Là, c'est bien, c'est beau. Plus un pays est pauvre, plus il a besoin d'instruction, car l'instruction rend industrieux et apprend à tirer parti de tout ce qui est important. Il y a le profit quand même au bout. Mais enfin, ça, disons que ça donnerait un peu bonne. Si tu es honnête, alors ça. Si tu es honnête, laborieux et économe et confiance dans l'avenir. Écoutez, excusez-moi, mais ça, je l'ai lu, hein. Je le lis, je le redis, mais je n'y crois pas du tout. Il y a un passage aussi où on apprend comment il faut bien lire. Ah, ça c'est quand ils sont chez Madame Gertrude. Et Madame Gertrude, pour que Julien soit occupé, leur donne un livre. Alors, il faut regarder un bienfait délicat aussi. Que votre main gauche ignore ce qu'a donné votre main droite. On connaît ça par cœur. Alors, ce que fait la France pour l'instruction de ses enfants, les bibliothèques scolaires, les lectures du soir, ça c'est très bien. Et la bibliothèque de l'école, petit Julien. Parce que Julien se plaint, il dit les livres coûtent cher, nous en avons plein. Oui, mais il y a la bibliothèque de l'école, petit Julien, vous l'oubliez. À l'école, il y a des livres que monsieur l'instituteur prête aux écoliers laborieux. Voyons, dès demain, nous irons le prier de vous prêter quelques livres à votre portée. Alors, le lendemain soir, ce fut une vraie fête pour l'enfant. Il arriva tenant à la main un livre plein d'histoires dans lequel il fit ce jour-là et les jours suivants la lecture à haute voix. Julien lisait très joliment. Il s'arrêtait aux points et aux virgules. Il faisait sentir les S et les T devant les voyelles. Et au lieu de nasiller comme font les petits garçons qui ne savent pas lire, il prononçait distinctement les mots d'une voix toujours claire. Quand il trouvait un mot difficile et à comprendre, la bonne vieille institutrice, qui n'avait point oublié la profession de ses jeunes années, le lui expliquait rapidement. Après la lecture, il interrogeait sur tout ce qu'il venait de lire, etc., etc., etc. Ben oui, il s'arrêtait au point et aux virgules, il faisait sentir les acélétés devant les voyelles et au lieu de nasier, etc. Mais vous comprenez, à un moment, à une époque où on nie totalement l'orthographe, c'est difficile de penser à ça, parce que l'orthographe fait partie aussi de la lecture, les H, des choses comme ça qui sont... Moi, je trouve que bien lire, ça a son importance, parce que la lecture en diagonale, moi, je veux bien, mais l'auteur n'a peut-être pas écrit pour qu'on le lise en diagonale. Chapitre 30. Le cabaret, l'ivrognerie. Les ivrognes sont un fléau pour leur pays, pour leur famille et pour tous ceux qui les entourent. Le voiturier avait attaché son cheval à la porte de l'auberge et sans plus s'occuper des enfants restés dans la carriole, il était allé s'attabler avec les gens qui buvaient. Bientôt, on entendit sa grosse voix se mêler aux cris et aux rires des ivrognes. Dans le cabaret empesté par les vapeurs du vin et la fumée du tabac, c'était un tumulte assourdissant. À mesure que les verres se vidaient, les chants et les rires firent place aux disputes et l'on voyait, à travers les carreaux blanchis, s'agiter en gesticulant les ombres des buveurs. que mon père avait raison, s'écria André, de fuir les cabarets comme la peste. Certes, notre conducteur serait bien mieux chez lui à 7 heures, avec sa femme et ses enfants, que dans ce cabaret enfumé où il est en train de dépenser nos 15 sous. Et nous donc, ajouta Julien, nous serions bien mieux à Besançon. Le temps passait. Les bouteilles de vin se succédaient sur la table et le voiturier ne sortait point de l'auberge. On eût dit qu'il se croyait au but de son voyage. La pluie tombait à verse et coulait en ruisseaux bruyants sur la toile cirée de la voiture et sur les harnais du cheval. Le pauvre animal, de temps à autre, se secouait patiemment comme un être habitué depuis longtemps à tout subir. André n'y tint plus. Il sortit de la carriole et, entrant dans l'auberge, il rappela au voiturier poliment, mais avec fermeté, l'heure qu'il était. « Eh bien, dit l'homme d'une voix avinée, si vous êtes plus pressé que moi, partez devant, vagabond !» André allait riposter avec énergie, mais l'aubergiste le tira par le bras. « Taisez-vous, dit-il. Cet homme est à jeun le plus doux du monde, mais quand il a bu, il n'y a pas de bruit pareil. Il assomme son cheval de coups, il en ferait autant du premier venu qu'il contredirait. »« Mais, dit André, je l'ai payé d'avance pour nous emmener ce soir à Besançon. » « Vous avez eu tort, dit sèchement l'aubergiste. Pourquoi payez-vous d'avance les gens que vous ne connaissez pas? Et maintenant vous aurez tort de nouveau si vous voulez raisonner avec un homme qui n'a plus sa raison. » André, tout pensif, retourna trouver Julien au fond de la carriole. Les deux enfants, bien désolés, décidèrent qu'il fallait reprendre leur paquet sur leur dos et se remettre en marche malgré la pluie pour faire à pied les 16 kilomètres qu'il leur restait, plutôt que de continuer la route avec un homme ivre et brutal. Au même moment, le charretier sortit de l'auberge, sa pipe à la main, jurant comme un forcené contre la pluie, contre son cheval, contre les deux enfants, contre lui-même. Il monta dans sa carriole avant que les enfants surpris eussent eu le temps d'en descendre et sangla son cheval d'un coup de fouet. La carriole se remit en marche au grand galop, vacillant par bond d'un côté puis de l'autre, tant le cheval excité à force de coups marchait vite. Le petit Julien était transi de peur. Il eût voulu être à 100 lieues de là. André lui-même, prévenu par l'aubergiste, n'était pas rassuré et n'osait souffler mot. Les deux enfants, se serrant l'un contre l'autre au fond de la voiture, au milieu des boisseaux et des paniers, n'avaient qu'un désir, se faire oublier de l'ivrogne qui ne cessait de vociférer comme un furieux. À chaque passant qu'on rencontrait, il adressait des injures et des menaces. Il jurait d'une voix chevrotante qu'il ferait un mauvais coup parce qu'un vaurien l'avait insulté à l'auberge. Plus d'une heure se passa ainsi. Les deux enfants, épouvantés et silencieux, réfléchissaient tristement. « Mon Dieu, pensait André, que l'ivresse est un vice horrible et honteux. » Pour le petit Julien, il était si désolé de se voir en cette vilaine compagnie que tout lui eût paru préférable à ce supplice. Il se rappelait presque avec regret la nuit passée sur la montagne, au milieu du brouillard, sous la conduite de son frère, et elle lui semblait plus douce 1000 fois que ce voyage en la société d'un homme devenu pareil à une brute. Ils pensaient aussi à leur petite maison de Falsbourg, où ils retrouvaient leur père le soir, après la journée de travail, et ils se disaient « Oh, combien sont heureux ceux qui ont une famille, une maison où on les aime, et qui ne sont pas forcés de voyager sans cesse avec des gens qu'ils ne connaissent point. » La lecture à haute voix, c'est quelque chose de très important dans ce livre, puisque le petit Julien a un livre qui va les accompagner pendant tout le voyage, et de temps en temps, ils s'arrêtent, ils font une pause, et Julien lit un extrait de ce livre. Un extrait de ce livre qui correspond à la région qu'ils traversent et aux personnages qui y sont nés ou qui l'ont habité. Et je trouve que c'est un système amusant qui a dû paraître nouveau à l'époque. C'est un bon système pour amener justement les allusions aux choses qui concernent la région, quoi. C'est un... Et alors on a comme ça les portraits de tous les grands hommes ou des plus grands hommes de chaque région. Ça va du savant au... Attendez, je recherche là. Ça va du savant aux écrivains, aux gens de par exemple Racine. Je vois, ils sont en Île-de-France et ils disent bornons-nous à quelques mots sur les principaux poètes et savants nés dans cette contrée. Alors Racine, qui fut le rival de Corneille pour la poésie, naquit en 1639 dans une petite ville du département de l'Aisne. Il perdit son père et sa mère dès l'âge de 4 ans et fut élevé par son grand-père. Il avait un tel goût pour les vers qu'aucun plaisir n'égalait à ses yeux celui que de lire des poètes. Racine devint un grand poète à son tour et fit paraître à Paris une série de chefs-d'œuvre qui contribuèrent à l'éclat du siècle de Louis XIV. Ce sont des pièces de théâtre en vers appelées tragédies où l'on représente des événements propres à émouvoir. On donne la définition de la tragédie dans le texte.